L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. 21e édition de la fête de la truffe, les 4 et 5 novembre au centre socioculturel de Pulnois. Alain Liéger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association Truffe 54 Lorraine, à l'initiative de ce rendez-vous, en partenariat aussi avec le comité animation et loisirs de Pulnois. Un rendez-vous qui prend d'année en année de l'ampleur. Pulnois est donc devenu le plus important marché aux truffes d'automne de France. Absolument. Et on va essayer de le garder le plus longtemps possible, ce trophée. Exactement. Deux journées, les 4 et 5 novembre. Tout démarra pour la deuxième année consécutive avec la nuit de la truffe, le 3 au soir. Le 3 au soir, alors oui, c'est ça. La deuxième nuit, vous avez dit, puisque l'année dernière, nous avons accueilli deux chefs renommés, en leur donnant un challenge, c'est-à-dire de réaliser l'entrée, le plat, le dessert, avec les deux truffes habituellement trouvées dans la région, c'est-à-dire la truffe de Bourgogne, la truffe Ancinatum, et la truffe de Meuse, la fameuse truffe mésentérique. Deux truffes très différentes au niveau de leur parfum, aussi au niveau de leur utilisation. Le challenge était d'arriver à mêler et à faire découvrir aux convives ces deux truffes et comment les cuisiner, en quelque sorte. Deux chefs nouveaux qui vont s'atteler à la même tâche, et d'après le menu qu'ils ont concocté, je pense que les convives seront au moins aussi régalés que l'an dernier. Voilà, ça se passera donc au restaurant du Golfe de Pulnois. Parlons maintenant en plus de ce week-end des 4 et 5, le marché aux truffes qui se passera au centre socioculturel de Pulnois. Là, l'entrée est gratuite. Dites-nous un peu comment vont se rythmer ces deux journées. Au sein de la fête de la truffe, il y a ce marché aux truffes qui ouvrira les deux jours entre 10h et 18h. Entre 8 et 10, 12 trufficulteurs qui seront là pour présenter leurs truffes, pour échanger avec l'acheteur. C'est pas uniquement je vous achète 100 grammes, 200 grammes de truffes. Je suis là aussi pour expliquer, pour dire comment on peut les cuisiner, pour donner des conseils, pour donner des trucs, des astuces. C'est un échange, c'est un dialogue entre le vendeur et l'acheteur. La truffe, il faut arriver à démystifier. C'est le produit que tout le monde, s'il sait le cuisiner, peut le faire. Et à moindre coût, parce que on n'a pas nécessairement besoin d'une quantité énorme de truffes pour modifier un plat, pour améliorer un plat. Donc beaucoup de conseils pour celles et ceux qui voudraient aussi se lancer dans la culture. C'est ça. Truffe 54 a un stand et des personnes peuvent venir échanger, peuvent trouver un petit livre sur la truffe en général, principalement notre truffe de l'Est, et comment elle se cultive, qu'est-ce qu'elle est, comment elle se cultive, comment on peut la produire, donc. Ouais. Et puis, éventuellement, adhérer à l'association, puisque l'association a ses adhérents, dispense une formation, à la fois technique, comment faire une truffière, comment planter, comment aménager, comment entretenir, et puis, elle a des ateliers culinaires où on apprend à cuisiner. Alors j'ai vu aussi que lors de ce week-end, il y aurait des initiations scientifiques, donc à la portée de tous, aussi bien des petits que des grands. Voilà, c'est ça. Il y a un espace scientifique où on peut découvrir la mycorhisation, les petites spores de truffes qui sont fixées sur les racines de certains arbres hôtes, parce que tous les arbres ne peuvent pas recevoir la truffe. Les arbres fruitiers ne seront jamais mycorhisés, c'est-à-dire ensemencés par les spores de truffes. Certains arbres plus particuliers, comme le chêne, le hêtre, le noisetier, les pins, et voilà quoi. Mais tout ça, on peut le découvrir dans ce stand scientifique. Et puis, il y aura quand même une quarantaine d'exposants, de métiers de bouche, exposants qui sont essentiellement des producteurs. Quand on évite quand même de revendre, de faire appel à des personnes qui revendent, non, on veut que ce soit des producteurs, de façon à ce qu'ils puissent parler, là encore, du produit qu'ils proposent. La passion d'abord. La passion d'abord, absolument. Alors justement, peut-être plus par rapport à vous, qui êtes président de Truffe 54 Lorraine, comment avez-vous découvert la truffe et comment êtes-vous venu à devenir président de l'association? C'est un peu une histoire. Bon, j'ai un très bon ami, Léon Verlaine, qui est trufficulteur, qui est formateur, et puis qui m'a fait découvrir la truffe. Moi, je ne suis ni planteur, ni récolteur, ni rien du tout. Je mange la truffe, je l'apprécie. Bon, quand il a fallu mettre en place l'association, bah, il a fallu éventuellement quelqu'un qui ne soit pas engagé dans un processus particulier lié à la truffe proprement dit, sa culture, son exploitation, sa vente. Un candide, entre guillemets. Donc il a dit, est-ce que tu veux bien me servir de cobaye? Et j'ai accepté. De fil en aiguille, j'ai appris à parler un peu plus truffe. Rendez-vous ce week-end des 4 et 5 novembre au Centre socioculturel pour vous rencontrer, rencontrer plein de passionnés. L'entrée est gratuite, c'est à partir du 4 novembre. Et puis aller plus loin, si c'est possible, si c'est une volonté. On accueille de futurs adhérents sans problème. Alors, lors de ce week-end, je ne l'ai pas dit, il y aura aussi une tombola. Il y aura plusieurs tirages possibles. On gagne des truffes, on gagne des plants truffiers. Plus d'infos donc sur le site de la ville de Pulnoy, www.pulnoy.fr. Et pour la nuit de la truffe, là, je pense qu'il faut réserver. Il faut réserver aussi. Il y a, sur le site de Pulnoy, il y a l'adresse pour acheter en ligne sa réservation, son entrée, son billet. Très bien. Alain Liéger, merci beaucoup. Je vous remercie à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.